Hollande, trois petites amies par Louise B. B. Les compliments de Monsieur et Madame Van Groenhoven. Il prie Mademoiselle d'assister au bal d'enfants qu'il donne samedi soir. Le domestique s'adressait à une jolie petite fille aux yeux bruns qui lui avait ouvert la porte. « Ce sera une bien belle soirée, je vous l'assure, » reprit le brave garçon. « Allez vite demander à votre maman si vous pouvez venir. Si vous saviez combien d'invitations j'ai à faire, j'en ai toute une longue liste. Il y aura bien une centaine d'enfants. » La petite Amy Van Tol, les yeux tout brillants de joie, s'écria. « Attendez-moi un instant, je reviens tout de suite. » Et d'un bond, elle atteignit l'escalier, se heurtant dans sa course folle contre le cordonnier qui descendait portant un seau. « Holà, hé ! » gronda-t-il. « Petite, quel choc !» Mais la petite Amy avait poursuivi son chemin sans rien entendre, et elle se précipita dans la pièce où sa mère travaillait assise près de la fenêtre. « Oh, mère !» s'écria-t-elle en lui jetant les bras autour du cou. « Écoute, quel bonheur ! Le domestique de Madame Van Groenhoven est là. Il vient m'inviter de sa part au bal d'enfants qu'elle donne samedi soir. Entends-tu ? Un vrai bal ! Mère, je puis y aller, n'est-ce pas ? J'ai été si sage pendant ces derniers jours. Chère maman, je serai si heureuse d'aller à ce bal. » Et la petite Kaline ne cessait de caresser et d'embrasser sa mère. Mais celle-ci la repoussa doucement et lui dit d'un air grave. « Ma petite Amy sait que sa mère n'a d'autre désir que de la rendre heureuse. Cependant, je ne puis t'accorder ce que tu demandes. Bientôt, je t'expliquerai pourquoi je préfère que tu n'ailles pas à ce bal. » « Va dire aux domestiques que je remercie beaucoup Monsieur et Madame Van Groenhoven de leur politesse, mais que tu ne pourras pas te rendre chez eux. Va et ne fais pas cette petite moue. » Amy dut s'arrêter à l'extérieur de la chambre pour essuyer ses larmes avec son petit tablier. Puis elle descendit l'escalier bien plus lentement qu'elle ne l'avait monté et transmit la réponse aux domestiques. « Eh bien, mademoiselle, fit-il, j'en suis fâché. Bonjour, je vais dire ça à madame. » Et il s'en alla. Pendant que le domestique achève de faire ses commissions et qu'Amy remonte l'escalier, je vais vous donner quelques détails sur elle et sur sa mère. Madame Van Tol était veuve et habitait avec sa fille un petit appartement situé dans l'une des rues les plus tranquilles de Rotterdam, cette ville à laquelle ses canaux, ses ponts innombrables donnent une si étrange physionomie. La mère d'Amy était pauvre, non si pauvre qu'elle dût mendier, mais il lui fallait travailler à l'aiguille du matin jusqu'au soir pour gagner sa vie et celle de son enfant. Car son mari, chirurgien de marine, n'avait pu laisser en mourant assez d'argent à sa femme pour qu'elle pût vivre dans l'oisiveté. Elle n'avait pas de domestique, mais les vêtements d'Amy étaient toujours propres et bien raccommodés. Depuis 2 ans, la petite allait à une école primaire. « Je ne pourrais pas te donner de la fortune, » disait Madame Van Tol. « Il faut donc bien travailler et t'instruire, afin que lorsque tu seras grande, tu puisses te suffire à toi-même. » Amy fit attention aux paroles de sa mère et apprit bien. La maîtresse déclara qu'Amy était sa meilleure élève. La petite en fut heureuse, mais n'en tira pas vanité. Au contraire, elle aidait celles qui n'arrivaient pas à faire leurs devoirs et les autres écoliers l'adoraient. Retournons près d'elle. Elle est assise à la fenêtre et ses larmes coulent encore car la déception est grande. Tous les jours après l'école, on ne parle que du bal qui doit avoir lieu chez Lily Van Groenhoven. Amy sait tout ce qui va se passer. Elle est sûre que ses amis les plus intimes, Betsy et Gon, doivent y aller, parce que la maman de Lydie l'a dit à leur mère. Mais on ne savait pas si Amy serait invitée. Ça avait donc été une bien douce surprise que cette invitation. Mais hélas, ce n'avait été qu'une courte joie. Maman ne lui permettait pas d'accepter. Mais pourquoi pas? Elle n'y comprenait rien. « Amy, petite, dit la voix de sa mère, veux-tu venir près de moi ?» Alors sa mère lui prit la main. « Sais-tu, reprit-elle, pourquoi je ne puis pas te laisser aller au bal ?» Amy secoua négativement la tête et de nouveau les larmes perlèrent dans ses yeux bruns. Mais sa mère les essuya avec deux baisers. « Mon enfant, reprit-elle, je fais de mon mieux pour arriver à joindre les deux bouts, mais c'est bien difficile, même avec la plus grande économie. Tu as de charmantes petites amies, mais il ne faut jamais oublier qu'elles sont bien plus riches que nous. Je ne puis t'habiller que très simplement. Si je te donnais de beaux chapeaux et des mantelets élégants, il ne me resterait pas assez d'argent pour t'acheter à boire et à manger, et ce serait affreux. Si tu allais à ce bal, il faudrait que je t'achetasse des souliers neufs, une robe neuve, et l'argent de mère n'y suffirait pas. Maintenant, que préfères-tu? Que mère travaille toute la nuit pour les magasins, afin de pouvoir t'acheter une toilette pour le bal, ou veux-tu rester tranquillement près de moi, sachant qu'alors je pourrais me reposer à l'heure habituelle? Naturellement, Amy choisit ce dernier parti et tâcha d'oublier son chagrin. Le lendemain, à l'école, Betsy et Gon, deux adorables petites blondes, se dirigèrent tout de suite vers Amy. « Je sais, dirent-elles, que tu es invitée au bal. Quelle joie !» Amy répondit tristement, « On m'a bien invitée, mais maman a dit non, c'est bien cruel. »« Oh, quel chagrin !» s'écria Gon, le visage tout attristé. « Mais pourquoi ?»« Maman m'a dit que pour aller au bal, il me faudrait des souliers neufs et une robe neuve, et que cela coûterait trop cher. » Et en soupirant, elle retourna à ses leçons, et l'on peut lui pardonner d'avoir été moins attentive ces jours-là qu'elle ne l'était ordinairement. Toute la classe était invitée. Toutes les petites filles se promettaient un grand plaisir dont seule Amy ne devait pas jouir. Betsy et Gon, ces chères blondinettes, firent en rentrant chez elles un petit complot. Leur mère, Madame Vandenberg, habitait une superbe maison dans le beau quartier de la ville. Il y avait un jardinet devant la maison et derrière un grand jardin rempli de fleurs et d'arbres fruitiers. Les fenêtres à guillotine avaient une seule grande vitre et tout annonçait la richesse de Monsieur et Madame Vandenberg. Dès qu'elles furent arrivées à la maison, Betsy et Gon racontèrent tout à leur mère et la supplièrent d'acheter pour Amy les souliers et la robe. Madame Vandenberg les embrassa. « Vous êtes les enfants chéris de votre mère, leur dit-elle. Les amis doivent toujours s'entraider. Je vais me rendre chez Madame Van Tol et lui demander si elle permet que je me charge de la toilette d'Amy pour samedi. » Les deux petites blondes se mirent à sauter, à danser, se réjouissant d'avance du bonheur qu'éprouverait Amy en apprenant la grosse nouvelle. Le jour même, la voiture de Madame Vandenberg s'arrêta devant la maison qu'habitait Madame Van Tol. Tout le monde se mit aux fenêtres, une voiture étant chose rare dans cette rue. D'abord, la mère d'Amy refusa ce qu'on lui proposait, mais lorsque l'aimable visiteuse lui représenta qu'en refusant, elle causerait un grand chagrin non seulement à sa propre enfant, mais aussi à ses deux petites amies, Madame Van Tol céda et remercia chaleureusement l'excellente Madame Vandenberg du plaisir qu'elle allait donner à Amy. Personne ne fut plus surpris que cette dernière, personne ne fut plus heureux que nos trois petites amies. Elles s'en donnèrent à cœur joie, dansant des rondes dans le corridor. La maison avait pour Betsy et Gone de puissantes attractions. Le père d'Amy, en sa qualité de chirurgien de vaisseau, avait visité beaucoup de pays étrangers. Il avait voyagé dans les Indes orientales et au Japon. Chaque fois qu'il revenait à la maison, il rapportait quelques curiosités. Depuis sa mort, Amy et sa mère conservaient, dans une étagère à vitrine, tous les cadeaux qu'il leur avait apportés. Parmi ces merveilles, ce qui excitait le plus l'admiration de Betsy et de Gone, c'était une poupée japonaise, aussi grande qu'un nouveau-né. La poupée reposait dans un panier tout garni de soie bleue et ressemblait à un véritable baby, à un baby chinois, bien entendu, avec ses yeux bridés et retroussés vers les tempes. « Ah !» s'écria Gone, « on est bien heureuse d'avoir une poupée comme celle-là. » Madame Van Tol leva sur elle ses yeux doux et bleus qui, avec sa fraîche carnation, en faisait encore une jolie Hollandaise. « Oui, dit-elle, c'est là une belle poupée. Ce qu'il y a de plus intéressant, c'est qu'une histoire se rattache à elle. »« Ah ! Une histoire !» s'écria Gone. « Chère madame, racontez-nous-la. »« Volontiers, mes enfants, » dit en souriant madame Van Tol. « Venez vous asseoir près de moi. » Elle n'eut pas besoin de le dire deux fois. « Cette poupée, » fit-elle, « a été apportée du Japon par mon mari. C'est dans ce lointain pays que, se promenant un jour, il vit un ouvrier assis à côté d'une route. Il paraissait très affligé. Le père d'Amy s'approcha et demanda à cet homme pourquoi il avait tant de chagrin. « Ah, monsieur, répondit-il, mon enfant est bien malade. Il n'y a dans les environs aucun médecin qui puisse le soigner et je n'ai pas l'argent qu'il faut pour en faire venir un de la ville. Alors mon mari lui dit, « Conduisez-moi près de l'enfant, je tâcherai de le guérir car je suis médecin. » Tout joyeux, l'homme le conduisit dans sa maison de papier. C'est souvent ainsi que sont faites les habitations au Japon et près de son enfant. Le baby était bien malade, mais mon mari fut assez heureux pour le guérir. Vous devinez la reconnaissance de l'ouvrier. Mais il ne savait comment la témoigner au docteur. Enfin, un matin, il lui envoya sa femme avec cette poupée, et la japonaise dit à mon mari que lorsque la poupée était arrivée chez elle, les cigognes en même temps y avaient apporté un petit enfant. Mon mari accepta la poupée avec reconnaissance. Le jour même, il se rendit à bord de son vaisseau et quelques mois après, il revint à la maison. Puis, quand on déballa le contenu des grandes caisses, je pris la poupée et j'appris son histoire. « Et la cigogne ?» demanda Betsy. « Est-elle venue aussi ?» Madame Van Tol indiqua Amy du geste. « Oui, » dit-elle. L'hiver se passa et déjà les tulipes et les crocus ouvraient leurs corolles quand la cigogne arriva. Portée par le vent tiède du midi, elle dirigea son vol vers la cheminée de ma maison et y laissa tomber un petit paquet vivant. J'eus peur, vous le devinez bien, et cependant je fus contente, car je savais ce qu'il y avait dans le paquet. Les enfants avaient écouté bouche béante, surtout Gone, à qui la poupée japonaise devint encore plus chère qu'auparavant. Enfin, samedi arriva. Ah, combien l'attente avait paru longue! Quand Amy rentra de l'école, sa mère lui montra la caisse venue de chez Madame Vandenberg. Amy l'ouvrit et vit une robe bleue de ciel, avec de petits volants au bas et ornée par derrière d'un superbe nœud de ruban. Dans le fond de la caisse, il y avait une paire de beaux petits souliers mordorés, et tout allait à Amy comme si l'on avait moulé ses vêtements sur elle. À 7h30 précise, Betsy et Gone vinrent en voiture chercher Amy, et la conduisirent au bal. Ce fut charmant. Lydia et sa mère reçurent les petits invités d'une manière toute cordiale. D'abord, ces derniers, un peu sérieux, parurent embarrassés, mais dès que le maître de danse entra et que la musique commença, les petits pieds et les petites langues se délièrent et l'on fut tout au plaisir. Entre deux danses, Betsy, la figure rouge comme une pivoine, vint dire à Amy « Quel plaisir! Combien je voudrais qu'il y eût un bal tous les jours !» Alors le domestique fit sa tournée avec les petites serviettes en papier dont on se sert en Hollande, des gâteaux, de la limonade, des glaces, absolument comme s'il eût deviné ce qui pouvait le mieux plaire aux enfants. Mais le plus beau de tout, ce fut le cotillon, du moins c'est ce que pensa Amy, sauf que c'était la fin de la soirée. Combien de figures on exécuta, et la figure avec les masques. D'abord, toute une troupe de garçons sortit de la salle, et ils revinrent ayant tous la tête cachée sous un mouchoir. Amy ne les reconnaissait plus du tout, et les petites filles se mirent à rire. Chacune d'elles dut enlever le mouchoir d'un jeune garçon et danser avec lui. Amy en fit autant, et poussa un petit cri d'effroi quand elle enleva le mouchoir, en apercevant un petit garçon à visage couvert d'un grand masque noir, avec de grosses lèvres et de gros yeux blancs en boule de loto. Cependant, il fallait bien danser avec lui, mais elle baissa les yeux pour ne pas le voir. Elle fut contente quand le tour de valse fut terminé. Alors son danseur ôta son masque, et quelle surprise ! Amy reconnut bien vite son petit voisin Piet, qui, lorsqu'elle rentrait de l'école, la taquinait en tirant ses tresses, puis lui chatouillait le cou avec une paille, et l'hiver, quand la neige couvrait le sol, lui en frottait les joues. Et maintenant, ce méchant garçon rayonnait de joie parce qu'il avait fait si peur à Amy. Tout a une fin, hélas, et le bal se termina. Mais les trois petites amies n'en finissaient pas de tout raconter à leur mère, et pendant le reste de la nuit, elles rêvèrent de danse, de limonade, de garçons à tête d'âne, à visage de nègre, et de beaucoup d'autres choses encore. Le mercredi suivant était l'anniversaire de la naissance de Gone. Ce fut encore une fête. Amy devait venir jouer chez ses amis depuis midi jusqu'au soir. Le matin, lorsqu'elle vint à l'école, elle avait un visage tout à fait mystérieux, et se dirigeant vers Gone, elle lui murmura à l'oreille « je sais ce que tu ne sais pas, devine un peu ce que cela peut être. » « C'est une chose agréable ?»« Extraordinairement agréable, » fit Amy. « Est-ce une chose qui me plaira ?»« Extraordinairement. » « Ça se mange ?» demanda Gone. « Non, » fit Amy en riant, « ça ne serait pas bon à manger. »« C'est grand, extraordinairement grand, mais il ne faut pas en demander davantage. » Gone n'en fut que plus curieuse. « Voyons, dis-moi ce que c'est, » fit-elle. « Non, » dit Amy, « il faut de la patience. Maman m'a dit que tu pourrais savoir ce que c'est à midi, mais pas avant. » Gone attendit avec une grande impatience, Amy aussi. Enfin, cette dernière arriva chez ses petites amies. Elle portait quelque chose d'assez lourd, cela se voyait bien, car elle courait en se tenant toute de travers. Dès qu'elle arriva, elle déposa soigneusement le paquet sur la table. « Gone, » dit-elle, « ceci est pour toi, de la part de maman pour fêter ton anniversaire. Et maman te le donne ?» Parce que toi et ta sœur, vous avez été si gentilles pour moi qu'il faut bien que je vous fasse un plaisir aussi. » Gone ôta soigneusement la ficelle et le papier, et les yeux de la petite fille s'écarquillèrent à la vue de la belle poupée japonaise, admirablement vêtue comme un vrai baby. Quelle surprise! Gone était si heureuse qu'elle se roula par terre et eût marché la tête en bas comme le clown au cirque si elle l'avait osé. « Maintenant, dit Amy, la cigogne apportera aussi quelque chose. »« Crois-tu ? » demanda Gone. « Je voudrais tant avoir un petit frère. »« Oui, fit Betsy, il faudra bien surveiller la cigogne quand elle arrivera. » La journée fut très gaie. Quand la pendule sonna 8 heures, on vint chercher Amy. Betsy et Gone se mirent au lit et s'enfoncèrent aussi bien sous les couvertures qu'on ne vit plus que leurs deux petits nez roses. Plusieurs mois s'écoulèrent. Un dimanche, par un bel après-midi, nos trois petites amies se promenaient avec la bonne d'enfant. L'hiver s'en était allé avec sa neige et sa glace, et le gai printemps l'avait remplacé. Les petites feuilles se montraient sur les arbres et les buissons, ainsi que les fleurettes dans l'herbe. Tout à coup, Betty, qui regardait en l'air, s'écria « Voyez donc ce grand oiseau qui vole là-bas !»« C'est une cigogne !» dit la servante. « Une cigogne ! » s'écria Gone. « Est-ce qu'elle porte un paquet ?»« Non, » riposta Mietje. « Elle ne porte rien. Mais peut-être retourne-t-elle maintenant à son nid. Est-ce que vous attendez quelque chose, mademoiselle Gone ?»« Oui, » fit la petite. « Je voudrais tant qu'elle m'apportât un petit frère. »« Ah, oh !» fit Mietje. « Mais l'avez-vous demandé au bon Dieu ?»« Non, alors il faut le faire. »« Quand les cigognes apportent un cadeau, c'est parce que les enfants l'ont demandé au bon Dieu. » Le soir, lorsque Gone fit sa prière, elle s'interrompit pour demander à Betsy, déjà moitié endormie, ce qu'elle préférait, un frère ou une sœur. Un frère. Alors Gone le demanda dans sa prière. Les deux petites filles dormirent comme des marmottes. Le lendemain matin, papa les conduisit bien doucement dans la chambre de leur mère, et là, dans un berceau, elles virent un petit frère, tout rose et tout potelé. N'était-ce pas ravissant? Naturellement, la grande nouvelle fut racontée tout de suite à Amy. Amy, s'écria Gone en courant vers sa petite amie. « La cigogne de grand matin nous a apporté un frère. Il est beaucoup plus beau que la poupée. »« Ah, quelle bonne petite société cela va vous faire. Est-ce qu'il parle ?»« Non, » fit Betsy. « Maman dit qu'il faut attendre encore un peu. »« Mais comme ce sera amusant de jouer avec lui, n'est-ce pas ?»« Oui, » dit Amy. « Mais si vous n'aviez pas eu la poupée, » la cigogne n'aurait rien eu pour vous. « Ah, c'est bien vrai !» firent les deux petites blondes. « Il faut donc bien soigner la poupée. »« Mais, » dit Betsy, « je tiens encore plus au petit frère. » Les autres furent de son avis, et nous en resterons là avec notre petit trio. Maurice Reynolds.